plus de love, plus de love, plus de love. Hey, je rêve qu'un jour chacun soit maître de son destin, que chaque personne puisse un jour se prendre en main, sans avoir à douter de prendre le mauvais chemin, où chaque obstacle ne serait surmonté en vain. Que les parents pardonnent aux enfants de ne plus croire en rien, que les enfants suivent cette mélodie qui vient de loin, au lieu des coups et des chimères qui ne valent rien. Tu es mon adversaire, me diront certains. Oh oui, tu sais mal, la joie quand on prend conscience d'exister. Oh oui, tu sais mal, les regrets sont si durs à oublier. Oh oui, tu sais mal, que les enfants veulent grandir et te ressembler. Je clame ton nom, ils te prennent pour une marque, une herbe, une religion. Beaucoup parlent sur toi sans même faire attention. Les signes, ils préfèrent les voix à la télévision. Beaucoup pensent parler avec esprit, mais leur cœur est fermé. Jamais ils n'osent se taire pour mieux écouter. Ils osent narguer l'enfer en bravant tous les dangers. Dure sera la chute quand il faudra se réveiller. Oui, tu sais mal, la joie quand on prend conscience d'exister. Oh oui, tu sais mal, les regrets sont si durs à oublier. Oh oui, tu sais mal, que les enfants veulent grandir et te ressembler. Chanter mon jazz.